On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors qu'on déplore la catastrophe minière de Soma, Franck Ferrand nous plonge aujourd'hui au cœur de l'histoire des mineurs. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un livre de Dominique Simoneau qui m'a fait connaître un sujet que j'ignorais, je vous le dis franchement, cette grande grève des mineurs de 1948. L'ouvrage s'appelle « Plus noir dans la nuit » et son auteur est avec nous dans ce nouveau studio Coluche, tout flambant neuf. Et après les mines de charbon, les mines de nickel, Audrey qui nous écrit de Nouvelle-Calédonie voudrait connaître l'origine des expressions nickel ou encore nickel chrome. C'est amusant que la question vienne justement de Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, je vous propose de faire un saut de 66 ans en arrière, au temps de la grande grève des mineurs. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec la fermeture depuis des décennies maintenant des puits de mines à travers la France, l'univers si singulier des mineurs de fond a tendance à s'estomper un peu dans l'imagerie collective. Mais cette mémoire minière n'en reste pas moins présente dans les familles, dans les communes, dans les régions concernées, à commencer par le Nord évidemment. Il y a un siècle de cela, le Nord-Pas-de-Calais est le premier bassin minier français. Il fournit les trois quarts de la production nationale de charbon. C'est une période de grande prospérité pour les mines, avec, vous savez, l'installation de ces puits géants qu'on vient visiter du monde entier, et puis de tout ce qui va avec, bien entendu, de tout l'univers, de toute cette culture minière avec les maisons ouvrières, les corons, etc. Mais après la Première Guerre mondiale, on peut dire que tout est à refaire. Il y a des nouveautés dans le monde minier, on crée des complexes carbochimiques, les coqueries, les centrales thermiques, etc. Arrive là-dessus la crise économique de 1930 avec une forte baisse de la production charbonnière. Les compagnies à ce moment-là essaient de limiter au maximum leurs coûts de production et déjà on va essayer de tirer le maximum de la main-d'œuvre. Arrive là-dessus l'occupation, nous allons en reparler tout à l'heure parce que peut-être que finalement tout se noue là, dans cette attitude d'une grande majorité des mineurs pendant l'occupation. Et le 21 juillet 1945, il y a ce discours de Maurice Thorez. Vous savez que Maurice Thorez est le secrétaire général du Parti communiste. Il appelle les mineurs à se dévouer sans compter. C'est intéressant ce qui se passe d'ailleurs dans cette période. On a l'impression que le mineur symbolise à lui tout seul le redressement, la reconstruction, cette espèce de coup de collier qu'on donne dans la France entière. J'ai sous les yeux une publicité qui date de 1946 avec écrit « Devenez mineur, premier ouvrier de France ». On voit un homme viril un peu à la façon des affiches du réalisme socialiste et soviétique, vous savez. Un homme chapeauté d'un casque avec une lampe frontale sur un fond de ciel bleu. Il a l'air radieux, il a l'air d'éclairer l'avenir en quelque sorte. Or, il faut se remettre dans le contexte de ce lendemain de la guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le charbon représente 80% de l'énergie, hein, évidemment. En 1946, on a nationalisé les grandes compagnies, ce qui a permis d'augmenter les salaires, de créer un véritable statut social. On va entrer dans le détail de tout ça, bien entendu. Or, l'année suivante, en 1947, éclate cette fameuse grève. Alors, ce qu'il faut dire, c'est deux choses. C'est que cette grève, elle ne concerne dans un premier temps pas seulement les mineurs, loin de là. D'une façon générale, ce sont tous les ouvriers de France et de Navarre qui se mettent en grève et qui se mettent en grève en grande partie à l'appel du Parti communiste parce que toute toute la clé politique, elle est là. Elle est dans le renvoi des ministres du gouvernement Ramadier. Il y a là une sorte de réaction des communistes et du bras armé, si je puis dire, du PCF, qui est la CGT. On va revenir, bien sûr, dans le détail sur tout ça. Alors, des grèves à l'époque, dans tous les chemins de fer, dans les usines, etc. Et bien sûr, dans les mines, c'est évident. Le mouvement ouvrier va se diviser à la suite de ça. En 1948, vous avez cette scission qui va donner naissance à un nouveau syndicat, Force Ouvrière. C'est Roland de Trempé, qui est spécialiste de ces questions, qui explique, elle est historienne bien entendu, elle explique que les grèves de l'automne 48, celles dont nous allons parler maintenant, sont d'une certaine manière la poursuite de celles d'octobre et novembre 1947. Alors, je vous ai dit que tout se nouait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très important de comprendre que un grand nombre de mineurs ont été résistants. Ils ont fourni beaucoup de résistance, ces mineurs. Et d'une façon plus générale, au-delà des résistants actifs, il y a eu, dans le mouvement ouvrier en général et dans le mouvement des mineurs, et chez les mineurs en particulier, une résistance, je dirais peut-être moins active, mais réelle, à toutes les demandes de sacrifice du régime de Vichy et derrière le régime de Vichy, au régime nazi, bien entendu. En 1945, on a de nombreuses affiches qui louent les gueules noires, leur bataille du charbon, etc. Et il faut bien réinsérer tout ce qui va se passer en 47 et surtout là en 48, dans ce contexte-là. Dans la préface d'un très bel album, il s'appelle « Les mineurs stéphanois en grève », voici ce que dit Sylvie Lundper. Épisode intense et violent, dit-elle. La grève dans les bassins miniers, on fait bien allusion à la grève de 48, et les affrontements parfois mortels qui l'ont accompagné ont laissé de multiples traces. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en présence de gouvernements qui sont souvent, on est sous la 4e République, hein, le moins qu'on puisse dire c'est que les gouvernements ne sont pas stables. Ces gouvernements ont peur du mouvement ouvrier et ils ont été marqués au fer rouge, si je puis dire, c'est le cas de le dire d'ailleurs, par les grandes grèves générales de 1947. Et puis, il y a ce contexte, cet arrière-fond géopolitique, on est en pleine guerre froide et tout ce qui vient du Parti communiste est censé venir directement de Moscou et de l'Union soviétique. Et ça va être l'obsession d'un certain nombre de dirigeants, dont Jules Moch, je vais y venir dans un instant. Alors ce qui va lancer la grève, ce sont ce qu'on appelle les décrets Lacoste, du nom du ministre de la production industrielle de l'époque, Robert Lacoste, qui, à la mi-septembre 48, prévoit d'abord une baisse des rémunérations, le salaire sera désormais calculé selon les pertes de production, ce qui va faire que certains salaires vont descendre en dessous du salaire minimum, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles va passer en partie en tout cas aux mains de la direction des houillères, alors que rappelez-vous ce que je vous disais, en 1946 on avait amélioré le statut des mineurs et ces risques-là étaient gérés par des sociétés de secours. Des sociétés minières, des sociétés ouvrières, si je puis dire. Et puis, une diminution du nombre de salariés, 10% environ. Et en cas d'absence, les salariés peuvent être mis à pied immédiatement sans l'aval de la commission paritaire qui s'était fait une place très importante à l'époque dans l'organisation professionnelle des mines. Un des principaux responsables de la CGT, il s'appelle Léon Delfos, est remercié. Il occupait le poste de directeur aux affaires sociales du bassin Nord-Pas-de-Calais. Ça n'a pas plu, hein, si je puis dire. Les mineurs vont se dresser littéralement contre ces mesures. Ils considèrent n'avoir rien obtenu en échange de l'effort considérable que leur avait demandé Maurice Thorez et un certain nombre d'autres leaders politiques. Cette espèce de productivité intense, au contraire, tout ce qu'ils gagnent, c'est qu'on durcisse la discipline et qu'on réintroduise le chronométrage dans les puits. Vous avouerez qu'il y a de quoi évidemment se mettre en colère. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la grande grève des mineurs de 1948. Alors, dès le 24 septembre 48, la CGT appelle à des arrêts de travail, à des débrayages, des manifestations dans toutes les grandes villes de France. Et un référendum, un vote, va être organisé par la Fédération Nationale du Sous-Sol, la Fédération CGT, la FNSS, le 28 septembre. Et ça, ce vote a lieu dans tous les bassins miniers, de Lens à Alès, de Firminy à Merlebach, ou Monceau-les-Mines, en Lorraine, ou dans le Midi, partout. C'est un un vote qui a lieu à bulletin secret, ça c'est très important, on va y revenir tout à l'heure. Et le vote, alors évidemment, on appelle à la grève, je cite, contre les récents décrets du ministre Lacoste qui ramènent au temps du régime de la terreur instauré dans les mines par les compagnies avant 1936, sous-entendu avant le Front Populaire, et pendant l'occupation. Vous voyez la violence de la revendication. La grève est votée et elle est votée massivement, 10 fois plus de voix pour que de voix contre, 218 616 voix pour, contre un peu plus de 25 000 voix contre. Ce qui fait que du coup, la CFTC, FO vont se rallier, vont rejoindre la CGT dans cette affaire. Jusqu'au 18 octobre, la grève est totale. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés, bien entendu. Dès le 8 octobre commencent des actions et il va y avoir une véritable répression qui est orchestrée par le ministre de l'Intérieur, Jules Moch, qui va prendre des mesures de rétablissement de l'ordre. Alors il ira jusqu'à créer les IGAM, vous savez, les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire. Il réactive la loi de décembre 1947 pour réquisitionner l'armée. Une armée qui va se déployer. 60 000 hommes armés vont quand même se déployer sur l'ensemble des bassins. Peu à peu, tous les pays miniers subissent le même sort et on se met à voir des scènes qu'on n'aurait plus cru voir depuis la guerre, c'est-à-dire des tanks, des soldats dans certaines rues, etc. Alors, il y a toute une culture qui va se développer autour de ça, bien entendu. Vous imaginez les piquets de grève qui s'organisent, les réunions quotidiennes pour faire l'état de la situation, bien entendu. Chaque jour est lu le communiqué du jour, qui est une sorte d'état des lieux des autres grévistes pour informer chacun de ceux qui font la grève de ce qui se passe à l'autre bout du pays, dans d'autres bassins. Et puis il y a des slogans qu'on voit naître. Vous savez, en mai 68, on criait, enfin certains étudiants criaient CRS, SS. Eh bien, le slogan en question, nous dit Roland Trempé, il est né pendant cette grève de 1948. On criait aussi moche, c'est boche, on criait. Partout. Voilà ce que nous dit Dominique Simoneau. Dans les manifestations, il y a des mères et des épouses aux abois qui, avec ce tintouin dans les rues, ne voient ni argent ni nourriture rentrer au foyer. Au bout d'un mois de grève, soit 2 quinzaines sans paix, c'est la misère, presque la famine dans les corons. Les enfants maigrissent, ils pleurent, ils se plaignent et l'on se presse au magasin à crédit, chacun avec un papier à son nom. Ce sont les bons Lecoeur, du nom de Gus Lecoeur, le grand chef communiste qui a imaginé cette sorte de monnaie interne imprimée aux syndicats et distribuée aux grévistes et à échanger dans les magasins contre les denrées de première nécessité. Alors qui est-il, ce Gus? C'est Auguste Lecoeur qui est un petit peu le pivot de ces événements de 1948. Il est issu d'une famille de mineurs du Pas-de-Calais. D'ailleurs, lui-même a découvert très tôt la mine. Le jour de ses 13 ans, le voilà qui descend dans le puits de Bruay en Artois. C'est un autodidacte. Il n'a pas, évidemment, il n'a pas suivi d'études, il n'a pas été loin à l'école. En 1927, après une manifestation contre l'exécution de Sacco et Vanzetti, ça nous entraîne dans toute autre chose, il adhère au Parti communiste tout en militant à la CGTU. Il sera ouvrier métallurgiste à partir de 1930. Il participe évidemment à tous les mouvements de grève en 36, etc. À l'élaboration de la convention collective de la métallurgie. Au passage, il va aller faire un tour du côté des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Et en septembre 39, il est condamné à 6 mois de prison. Il s'évade et à la fin de la guerre, il sera élu maire de Lens, député du Pas-de-Calais. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la production industrielle. C'est lui qui va préparer la fameuse loi sur les charbonnages en mai 46, les décrets du 28 juin sur les houillères du bassin. Sous sa houlette, le statut de mineur s'est amélioré et évidemment, il est le premier à se plaindre de la marche arrière, du grand recul que l'on constate en 46 et 47 et dont je vous parlais. Il va donc être le stratège des grandes grèves de 47 et 48. C'est un leader charismatique. Alors, qui a-t-il en face au gouvernement? Il y a des gens qui se frottent les mains, si je puis dire, enfin qui se félicitent de la mise en place de ce système de maintien de l'ordre. Le secrétaire d'État à la présidence du Conseil, François Mitterrand, parle des masses importantes d'hommes armés d'outils et de barres de ferraille, et dans le cadre du Conseil des ministres, il adresse ses félicitations, les félicitations du gouvernement, au CRS et à la garde républicaine, à la gendarmerie, à l'armée, pour leur calme devant qui les attaque en force et leur cause des pertes terribles, dit François Mitterrand, le jeune François Mitterrand à l'époque. Le 18 octobre, les forces de l'ordre entrent donc sur le territoire du bassin de Saint-Étienne. On voit ça dans l'album dont je vous parlais avec des photos assez extraordinaires. Et en très peu de temps, les forces de l'ordre, bien sûr, vont reprendre certains quartiers. Voici ce que raconte Pierre Outric, qui est spécialiste de ces histoires, de cette histoire du mouvement ouvrier. Tanks et chenillettes, nous dit-il, militaires et gardes mobiles quadrillent les différents pays miniers. Arrestations, jugements ultra rapides et emprisonnements se multiplient. La biographie d'Achille Blondeau, qui est un mineur résistant, rappelle les brutalités peu communes des forces de l'ordre auxquelles répond la corporation minière, retrouvant comme par instinct des anciennes formes de résistance. La riposte des mineurs à la présence des chars, des chenillettes, des CRS et de l'armée est d'autant plus prompte et forte que bon nombre de gueules noires a participé à la lutte armée dans les rangs des francs-tireurs et partisans des FTP pendant la résistance. Il y a cette culture-là, évidemment, qui est là et qui est présente. Il y aura des morts hein, dans tous ces affrontements, 5 en tout. Le premier, le 7 octobre, c'est un mineur qui s'appelle Jean Sec de Merlebach. Il est tué à coups de crosse par les CRS. Même sort pour Barbier et Goyot qui vont mourir à Firminy le 21 octobre. Le gouvernement assure que les premiers coups de feu, évidemment, ont été tirés par les grévistes. Seulement, il y avait des journalistes sur place et la presse va témoigner. Certains titres parlent d'actes de violence, rappelant des scènes connues durant l'occupation. On parle, pour ce 21 octobre, on parle carrément de guérilla. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous replongeons avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la grande grève des mineurs de 1948. Alors cette grève, évidemment, elle est toujours en cours. Dans le courant du mois de octobre, novembre, début novembre, les forces de l'ordre néanmoins gèrent de mieux en mieux la situation. Et le ministre de l'Intérieur, Jules Moc, continue d'accuser la CGT de noyer chantiers et galeries, de détruire l'outil de travail, les installations minières, etc. On va essayer de faire pression sur tout ce qu'on peut trouver, les nouveaux employés, les mineurs immigrés, bien entendu, aider. Et le 2 novembre, un certain nombre vont commencer à reprendre le chemin des mines. Le 11 novembre, cette reprise s'amplifie à contre-cœur. Il ne faut pas croire que les mineurs soient contents d'aller reprendre le travail. Ils auraient bien aimé pour beaucoup continuer la grève. Mais il y a la faim, tout simplement, qui s'installe. Et puis cette remise en ordre. Hein. Il faut lire d'ailleurs Le Monde, hein, le journal Le Monde, le 2 novembre, le 3 novembre. On voit progresser l'ordre, si je puis dire. C'est assez, ça manque pas de sel de voir ça avec le recul, avec 66 ans de recul. Jules Moc va faire une déclaration à la radio le 5 novembre. Le gouvernement, dit-il, a jeté à bas la contrainte et parfois la terreur du Parti communiste. Ça, c'est le point de vue du gouvernement. On va y venir, bien sûr, tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre que dans l'esprit de Jules Moc et d'un certain nombre de ministres de l'époque, il y a vraiment une lutte qui est quasiment une lutte internationale contre le communisme et donc, dans le cadre de la guerre froide, contre Moscou. Hein. Les mineurs sont délivrés de l'oppression des exécutants locaux du parti et de ceux qui violent la loi et spéculent sur la misère à des fins politiques. Dit-il. Et le 16 novembre à l'Assemblée nationale, pendant 4 heures, il va faire une espèce de portrait effrayant du Parti communiste. Alors qui est-il ce Jules Moc? Dominique Simoneau nous le décrit, lunettes rondes, écrit-elle, le crâne légèrement dégarni, le cheveu plaqué en arrière, une allure très 4ème République qui fait corps avec son temps. Parano et intrépide, à bord du petit avion qu'il aimait piloter lui-même, survolant les zones à risque, c'est-à-dire en grève, sans se contenter des rapports qu'on lui faisait. C'est un polytechnicien, Jules Moc, ingénieur de la marine. Il adhère à la SFIO, donc l'ancêtre du Parti Socialiste, en octobre 24. Il est élu député à partir de 28. Il va devenir secrétaire général du gouvernement dans le premier cabinet Blum, puis sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil en 37. Il dirige les travaux publics, etc. Or, il ne faut pas oublier que c'est un homme de très grand caractère, on l'aura compris. Il fait partie de ceux qui, le 10 juillet 1940, les 80 parlementaires, vous savez, qui ont refusé de signer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il a rejoint De Gaulle en 1942, s'est engagé dans les forces navales de la France libre en 1943, membre du comité consultatif, de l'assemblée consultative d'Alger, etc. Enfin bon, il a ce qu'on appelle une carrière royale, évidemment. Voilà ce qu'il écrira dans ses mémoires en 1948 sur la fameuse grève. « J'avais des indicateurs qui m'avaient donné la certitude que le Parti communiste allait contre-attaquer et qu'il allait déclencher un mouvement, un véritable complot pour mettre la République en péril et contraindre le gouvernement français à capituler, écrit-il. C'est-à-dire pas simplement accorder des avantages aux mineurs, mais soit à faire rentrer à nouveau des ministres communistes dans le gouvernement ou même, qui sait si ça allait beaucoup plus loin, à refaire un véritable coup de Prague. Je savais où le coup de force se déclencherait, c'est-à-dire dans le secteur des mines chez les mineurs. En attendant, les mineurs, ils ont repris, après 8 semaines de grève, ils ont repris le travail. Le secrétaire de la FNSS annonce la suspension du mouvement qui aura été un échec. Les décrets Lacoste sont maintenus, les salaires ne seront pas réévalués et près de 3000 mineurs vont être emprisonnés. Certains sont condamnés à des peines de prison ferme. Enfin, on va venir sur toutes ces conséquences dans un instant avec Dominique Simoneau. Bonjour Dominique Simoneau, juste le temps de vous dire bonjour. Après bonjour. La publicité, nous allons revenir bien sûr dans le cœur de toute cette affaire beaucoup plus importante que ce qu'on en a conservé à l'esprit. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la grande grève des mineurs de 1948 avec vous Franck Ferrand et votre invité Dominique Simoneau, journaliste au Canard Enchaîné, auteur de Plus noir dans la nuit, la grande grève des mineurs de 1948 aux éditions Calmann-Lévy. Alors Dominique Simoneau, je n'ai pas eu le temps d'aller tout à fait au bout de mon récit, ça arrive souvent pour tout vous dire, et en l'occurrence je n'ai pas parlé des conséquences qui ont été des conséquences judiciaires pour un grand nombre de ceux qui avaient participé à cette grande grève de 1948. Il y a eu beaucoup de procès et pas mal d'incarcérations. Il y a eu 2000 peines de prison ferme prononcées, dont 715 dans le seul Pas-de-Calais. Et les magistrats, ce qui a été terrible et ce que j'ai trouvé qui m'a beaucoup ébranlé, en tout cas ébranlé ma confiance limitée déjà dans la justice, c'est que les magistrats qui condamnaient les grévistes, ils les condamnaient pour fait de grève, donc entrave à la liberté du travail, ils condamnaient des résistants, et oui, voilà. Ils le savaient. Qui, par dizaines, affluaient dans les boxes des tribunaux. Des résistants qui avaient fait, parce que les mineurs, en 41, en fin mai jusqu'au 9 juin 41, avaient fait grève contre les nazis. Bien je sais sûr. Pas si on se rend compte de ce que ça dans devait la partie être. De la zone occupée, notamment, il faut le dire. Oui, ils étaient justement, en zone interdite. C'est Karine qui, sur Facebook, nous dit qu'il serait bien de parler des mineurs qui ont fait grève en 41. Mais c'est ce que nous sommes voilà. en train de faire. Et exactement. Ils avaient fait cette grève qui était... Mais c'est un mouvement extraordinaire. D'ailleurs, moi, je trouve un peu bizarre qu'on l'apprenne pas à l'école. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal dans la bande qui, disons les choses, étaient des héros de la résistance. De grands héros. Ils font la grève. Ils font grève en 1948. Et ils se retrouvent devant les tribunaux condamnés. Ils s'en vont en prison. Hein. Condamnés par des magistrats dont on peut dire que la conduite pendant l'occupation était moins exemplaire que la leur. Sujet, donc, oui. Bon. Or, les magistrats qui les envoyaient ainsi en prison ne pouvaient pas ignorer les conséquences que ça aurait, à savoir peine de prison ferme voulait dire licenciement. Licenciement, déhouillère, ça voulait dire perte de la maison, perte du médecin, perte de l'école, perte de tout. Mais et oui, parce qu'il y avait ce système, on va dire, paternaliste qui avait été mis en place au 19e siècle. Quasiment qui faisait... seigneurial. Et oui, néo-seigneurial, si vous voulez. Voilà. Mais qui avait donc établi un certain nombre de protection sociale, il y avait tout un système qui, lorsque vous étiez exclu du système, vous faisiez tout perdre, non seulement votre emploi, mais tout, votre maison même, tout simplement. La maison appartenait au hier, oui, donc c'était terminé. Interdiction aux proches qui habitaient dans les maisons, dans les corons des houillères, de reloger ces parias, et interdiction aux entreprises de la région de les embaucher. Donc ces gens qui avaient montré tout ce courage, qui avaient été quelques années avant, comme vous l'avez raconté, célébrés comme des héros, mais se oui. retrouvaient à errer dans la région avec leurs enfants sans rien. Alors nous allons venir tout à l'heure, vers la fin de l'émission, il faudra qu'on revienne sur les conséquences, sur les tenants et les aboutissants politiques de cette affaire, sur le bras de fer entre les ministres socialistes, on va dire, avec de grands guillemets, et le Parti communiste de l'époque, etc., qui est au cœur de toute cette affaire, sur l'instrumentalisation éventuelle de la grève par la CGT elle-même, très liée au Parti communiste, on reviendra sur tout ça. Mais avant cela, j'aimerais qu'on vienne sur, parce que je ne l'ai pas fait suffisamment, je n'ai pas eu le temps, moi, sur le contexte social de cette grève de 1948. Vous avez rencontré, vous, un certain nombre de témoins, de grands témoins, de gens qui étaient là. Mais oui, j'ai eu cette chance de les rencontrer. Eux, enfin, ceux qui ont participé à la grève, ou bien leur veuve, hélas, puisque beaucoup sont morts, ils sont très âgés maintenant. Et ce qu'ils me racontaient, c'est, vous parliez d'instrumentalisation par la CGT. Une grève, c'est souvent politique, il y a toujours un peu tout. Mais enfin là, ce que je peux dire, c'est que les décrets Lacoste ont causé une véritable colère. D'autant que les gens, déjà, n'avaient pas assez... les feuilles de paye étaient assez minables. Et donc, même chez les moins politisés que j'ai rencontrés, ils le disent. Ils disent on n'avait pas assez, on n'avait pas de quoi nourrir nos enfants. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, et ça c'est le fruit d'un travail très minutieux, parce que je tiens à préciser, ça n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, votre livre est un vrai livre, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez fait une enquête, vous êtes allé tout vérifier, vous avez recueilli des témoignages. On n'est pas simplement dans la compilation ou dans le dans le on dit. C'est pas un quick book, c'est voilà. Très très longtemps. Voilà, c'est un vrai livre que vous avez écrit pendant longtemps, ça se sent à chaque page. Et donc, ce que vous nous dites à la lueur de cette expertise-là, c'est que la grève est bien une grève en grande partie spontanée et qui est liée réellement au fameux décret Lacoste et donc à l'inflation. Qui est énorme alors que la feuille de paye baisse. Et voilà. Donc il y a bien un problème de salaire, de misère, et puis de perte d'avantages qu'on croyait gagner par la résistance et par le bon comportement, justement. Une sorte de perte d'honneur, au fond. Il passait du statut de type de héros de la nation à espèce de personne à qui on coupe tout en disant tant pis. Comment les grévistes de l'époque ont-ils vécu ces événements de octobre et novembre 1948? Est-ce qu'il y avait de l'exaltation? Je pense aux grandes grèves de 1936 qui étaient une véritable kermesse, faut dire, une véritable fête. Bon, on a l'impression qu'en 48 c'est pas ça du tout, évidemment. Non, c'est plus... Enfin, moi, de ce qu'ils m'ont raconté, ça avait l'air plus triste. Plus l'ambiance était très lourde. D'abord, il y avait la bataille, comme vous l'avez raconté, entre FO et la CGT. FO, dont la CGT disait qu'elle était financée par les Américains, ce qui d'ailleurs s'est avéré vrai au départ. Oui, parce que alors moi j'ai beaucoup mis l'accent évidemment sur la filière soviétique, si on peut dire, mais il faut pas oublier qu'en face il y a tout le camp atlantiste et notamment la CIA, etc. qui s'agitait beaucoup. Il faut pas oublier, on est dans une guerre froide. Je pense que les Français n'ont pas réalisé ce que voulait dire ce terme. C'est comme une sorte de troisième guerre mondiale sans armes en fait, mais il y a bien une guerre dans cette affaire. Exactement. Oui. Et cette guerre froide entre atlantistes et soviétiques, on peut dire, débouche cette grève. Arrive et au fond la répression va s'abattre sur la base et sur les meneurs, parce que soi-disant il faut toujours des meneurs dans un mouvement, faut désigner des méchants, et donc vous l'avez raconté tout à l'heure, les mêmes scènes qu'en 41 se reproduisent, à savoir que cette fois c'est la police française qui vient chercher un par un les soi-disant meneurs sur le carreau de la mine, les fait remonter dans les puits et sur le carreau et les embarque. Or c'est très frais, les souvenirs de 41. Et là, c'était la Gestapo qui emmenait les gens. C'était 7 ans plus tôt, donc il est évident qu'il y a eu un parallèle qui s'est fait dans l'esprit de ceux qui ont... Immédiatement, ce sont les mêmes qui sont à part les déportés et fusillés de 41. Alors, vous avez rencontré, il faut qu'on parle des personnages dont vous nous parlez, de Norbert Gilmez notamment. Qui est-il? Norbert Gilmez a aujourd'hui 93 ans. Il était, lui, employé aux mines, et c'est un des rares employés... C'est un administratif, lui, en fait. Voilà. On l'appelait le porte-crayon. Oui. Il sait très bien compter, il écrit parfaitement, c'est quelqu'un de très cultivé. Et donc, il mène cette grève, lui, il est indigné contre toute injustice. Donc, il est dans cette grève à fond. Et bien évidemment, il va lui aussi connaître la prison. Il va être chassé de chez lui avec son épouse et leur enfant. Et là, va commencer une errance d'espèce de... Je sais pas, d'abri de fortune en abri de fortune, sans rien à manger, lui ne mangeant pas du tout, sa femme étant invitée peut-être avec les enfants à manger. Bon, il est obligé de voler du charbon qu'il avait autrefois gratuit, et aujourd'hui, c'est un de ceux qui a repris le combat pour faire reconnaître... Mais parce qu'il faut dire qu'il y a eu des prolongements très récents de cette affaire, notamment sur un plan judiciaire. Il faut expliquer ça à nos auditeurs. J'ai été le premier à le découvrir, moi, pour tout vous dire aussi. C'est vrai ? Oui. Eh ben écoutez, tant mieux. Voilà, oui, parce que la retraite venant, Georges Carbonnier, Norbert Gilmez... sont dit, mais enfin, au fond, ce qu'on nous a fait à l'époque, on nous a gâché nos vies... On a touché le tiers de ce qu'on aurait dû toucher dans la vie. On n'aura pas de retraite ou à peine. Nos licenciements étaient discriminatoires. Et ils ont eu la chance de tomber sur un avocat de la cause ouvrière qui est Thiénot Grimbach, qui a trouvé une espèce de biais pour faire tomber la prescription et faire reconnaître 60 ans plus tard que ces licenciements avaient été discriminatoires. Ce qui est un tour de force. Un tour de force juridique. Donc, la Cour d'appel a déclaré les licenciements discriminatoires, a donner 30 000 euros, allouer 30 000 euros à chacune des familles. Mais le dernier jour où cet arrêt devenait définitif, la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, a formé un pourvoi à la Cour de cassation en disant non, c'est pas possible. Mais cette bataille, il continue à la mener sur plusieurs pour plans. Pour l'instant, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée. Elle s'est prononcée. Si, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. Ils ont perdu, mais Pierre Moscovici, là, l'an dernier, dans un geste humanitaire, a-t-il dit, a décidé de ne pas recouvrer cet argent. Donc, ces 30 000 euros sont définitivement acquis aux familles. Mais Norbert Gilmay, il veut plus. Il veut qu'on reconstitue sa carrière et qu'on leur applique la loi d'amnistie de 1981. Donc, c'est vrai que ce que je raconte dans le livre, c'est toute cette, à la fin du livre, c'est toute cette bataille, à partir de 81, quand ils pensent que la gauche, quand les anciens grévistes pensent que la gauche revenue au pouvoir va avoir à cœur de réparer ce qu'avait fait Jules Moche, ils se sont mis à écrire à tous les ministres de la République et leur dossier a tourné en rond comme une patate chaude qu'on se refile. C'est un coup connu. Donc tous les ministres se sont refilés le bébé en se disant « Oh là là, quel ennui, qu'est-ce qu'on va... » Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Dominique Soumeau, nous retrouvons dans un instant quelques-uns des personnages que vous avez rencontrés dans votre longue enquête sur cette grande grève de 1948. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Accord perdu, le mineur trime. Faut bien que les gosses mangent à leur faim. Dans la taille au fond de la mine, il se couche, il a mal aux reins. Les pierres et le charbon lui écorchent les mains. Sa peau est criblée de charbon, mais en dessous, les joues sont blêmes. La toux déchire ses poumons. La mort frappe toujours les mêmes. Dominique Grand sur Europe 1 avec un extrait de Gueule Noire. Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi de la grande grève des mineurs de 1948. Vous aurez vraiment désannoncé toutes les musiques dans le... Je confirme. Depuis que vous êtes au cœur de l'histoire avec nous, Céline. Alors, Dominique Simoneau, j'aimerais que vous nous parliez, on ne peut pas évoquer toutes les figures, bien entendu, non. Mais il y a notamment cette veuve d'un grand résistant, oui. Ça, il faut le dire. Jeanne Couchet. Jeanne Couchet, voilà. Voilà, Jeanne. C'est une personne extraordinaire. J'aurais bien aimé qu'elle soit là pour que vous la voyez et qu'elle puisse parler. Parce que elle a eu... Si elle nous écoute, nous la saluons en tout cas. Eh bien, moi, je la salue, je l'embrasse, Jeanne. Et elle a eu une vie terrible. Enfin, bon, je vais passer sur son enfance parce que, une enfance terrible. Et puis, elle a rencontré Henri Couchet, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Et ils ont vécu dans les corons. Et elle, pour elle, cette vie dans les corons, c'était, mais ce qu'il y avait de plus beau et de plus solidaire et de plus magnifique au monde. Donc, en être chassée, ça a été horrible. Mais elle a un sacré caractère. Jeanne, il fallait au moins ça, je pense. Malheureusement, j'ai pas connu son mari Henri, mais il m'avait l'air terrible aussi. Ah, oui, oui. Un sacré caractère. Donc, un grand résistant, un leader syndicaliste. Et elle s'énervait beaucoup contre lui et contre ses idées politiques. Pas contre ses idées, disons, mais contre son militantisme, parce qu'on le voyait jamais. Au point qu'une de ses filles ne le reconnaissait pas quand il rentrait le soir, et qu'elle se mettait à pleurer devant cet étranger, qui sait. Et elle disait, tu n'as pas honte, Jeanne disait, tu n'as pas honte, voilà, tes gosses, ils te reconnaissent même pas, t'es fière de toi. Elle l'a engueulé jusque dans la prison où elle allait le voir presque tous les jours pour l'engueuler en disant, voilà, la grève où tu nous as mis. Mais au fond, elle a toujours été fière de lui et elle l'a toujours soutenu. Et avec Henri, finalement, au bout de très longtemps, il va finir par retrouver du travail, puisque dans la région, comme je vous ai dit, ils étaient blacklistés, tous ces anciens condamnés. Et... ils vont atterrir près de Boulogne pour tenir une colonie de vacances et ils sont logés dans un blocus. Un blocus de l'armée allemande. Je ris parce que quand elle raconte ça, elle le raconte d'une façon tellement drôle presque alors que... Et naturelle, oui. Et naturelle, pour moi, elle me dit, moi je crois que c'était l'infirmerie. Je lui ai demandé pourquoi, elle me dit parce qu'il y avait quelques fenêtres. Hein, bon. Et c'était bourré de souris là-dedans, bourré d'eau. Il pataugeait dans la boue. Et donc, au bout de 2 ans là-dedans, elle a hurlé et elle s'est installée dans le château de la colonie. Parce que c'est vrai, c'était débile de rester dans ce blocus. Mais est-ce qu'on imagine aujourd'hui, Est-ce que vous, on imagine ce que ce serait le scandale de voir un héros de la résistance, certes horriblement condamné pour une grève, peut-être qu'il pouvait déplaire à certains, mais enfin quand même, atterrir dans un blocos. Oui. Être logé dans un blocos. C'est le comble, comme on dit. Oui, c'est quand comble même du paradoxe. Oui. En fait. Vous faites allusion à cette vie très particulière des corons. Il y a une atmosphère qu'on a peine aujourd'hui à reconstituer. On a l'impression qu'il y avait une solidarité, notamment absolument extraordinaire. Oui, je pense qu'il y avait, d'après ce que raconte Jeanne, il y avait une immense solidarité. Et il y avait aussi des règles. Pas d'intimité vraiment, c'est pas ce qu'elle avoue, c'est pas ce qu'il raconte, mais disons un coup de main chaque fois qu'un copain était dans le besoin. Il y avait aussi des règles terribles, par exemple le garde des mines passait deux fois par semaine, il tapait aux portes et toutes les femmes sortaient avec des fichus sur la tête et des balais, il fallait qu'elles nettoient le trottoir devant elles. Et Jeanne d'ailleurs, dans sa rue près de Boulogne-sur-Mer, elle continue deux fois par semaine à nettoyer son trottoir. Et à engueuler ses voisins qui ne le font pas. Il y a eu, pendant cette grève, une sorte de divorce au cœur même des corons entre ceux qui voulaient travailler et ceux qui étaient pour la grève. Ou est-ce que les chiffres qui nous montrent une énorme majorité de grévistes signifient qu'en fait tout le monde était d'accord? Sincèrement, je pense que l'immense majorité était d'accord. Et qu'ensuite, comme toujours, quand un mouvement ne rapporte pas ce qui... Puis se prolonge surtout. Se prolonge sans voir nulle avancée et nulle victoire. Et au contraire, des morts, la peur, les arrestations, les enfants qui pleurent. Forcément, au bout d'un moment, il y a des divisions. C'est obligatoire, pratiquement. Vous avez rencontré un médecin également, un médecin des mines. Alors j'ai reconstitué, disons, son histoire et j'ai eu le plaisir de discuter avec sa fille au téléphone. C'est le docteur Cook et son épouse qui, lui, était médecin des mines et se battait pour faire reconnaître la silicose que les compagnies houillères avaient le plus grand mal à reconnaître étant donné que, comme maladie professionnelle, et les médecins eux-mêmes faisaient un drôle de boulot en tant que médecins puisqu'ils ne reconnaissaient pas la silicose qui, si elle était reconnue, obligeait les compagnies houillères à verser une rente à la famille du mort ou aux malades. Donc ce docteur Cook se battait pour faire reconnaître la silicose, qui a fait des morts par milliers. Il y avait une vie très spécifique dans ces bassins miniers. On a évoqué la solidarité des corons, cette espèce de ces relations exacerbées, très fortes entre les gens. Il y avait aussi cette maladie, il ne faut pas l'oublier. Il y avait la misère, il y avait la difficulté, il ne faut pas non plus. On a tendance peut-être, j'avais fait une émission sur le magnifique musée de l'Evarde, notamment, oui. où l'on descend dans puits, etc. On a tendance aujourd'hui à magnifier un peu cette... Il ne faut pas oublier la dureté réelle de tout ça, bien entendu. Hein. Mais regardez l'explosion qui a eu lieu en Turquie, vient nous rappeler ce que le danger qu'il y avait dans la mine. Les mois qui ont précédé la grève, il y a eu des dizaines de morts encore par des coups de grisou, des accidents, et il y avait la silicose qui rongeait les gens. Écoutez, l'autre jour j'étais à Arras justement avec Norbert Gilmet, on signait des livres ensemble, et il y a une dame qui est venue nous voir, et elle s'est mise à pleurer parce que son père était mort très jeune de la silicose et son frère aussi. Il y a une somme de souffrance qui est considérable liée à l'exploitation de ces mines et au travail extrêmement dur des mineurs. Mourir de la silicose, c'était terrible. Ouais. D'ailleurs, il y a encore plein de gens. C'est une maladie pulmonaire, évidemment. Oui. Hein. On l'appelle la maladie des poumons de pierre. Ouais, c'est ça. Bientôt, on ne peut plus respirer. Ouais, c'est ça. On s'asphyxie peu à peu. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Alors, venons peut-être donc à ce contexte politique de la Grande Grève de 1948. Est-ce qu'on peut la lier directement au mouvement ouvrier général de 1947? Est-ce que d'après vous, l'une est la fille de l'autre? Parce que vous nous avez parlé tout à l'heure des décrets Lacoste en disant qu'il y avait quelque chose donc de très catégoriel, de très spécifique aux mineurs. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'un certain nombre des leaders, notamment cégétistes, se retrouvent d'un des mouvements à l'autre. Mais bien sûr. De toute façon, c'était une grève aussi éminemment politique. Bien sûr. Hein, oui. Et bien sûr que la CGT, d'autant qu'il y avait eu l'irruption de FO dans le paysage syndical, la CGT comptait bien se refaire ou se faire ou se prendre, montrer sa puissance. Ça a été un baptême du feu un peu dur pour FO, parce qu'évidemment, les mineurs, en l'occurrence, ont suivi la CGT en masse, en fait. D'ailleurs, les FO, s'ils les appellent les FO ont suivi au début, et puis après, c'est vrai que FO National a appelé à reprendre le travail, et que là, il y a eu de la castagne entre syndiqués, oui. C'est ça, c'est-à-dire que là, entre les grévistes et non-grévistes, on se bat aussi. Oui, c'est une famille déchirée, la CGT, qui une partie était partie à FO, donc comme dans toute famille qui se déchire, c'est encore pire que quand c'est quelqu'un qui a toujours été un ennemi. Alors, il y a un personnage qui est omniprésent dans toute cette affaire, c'est ce ministre de l'Intérieur, qui a fait de la grève, la grande grève des mineurs, une affaire personnelle, c'est le fameux Jules Moch, qu'on appelle, si j'ai bien compris, dans le bassin là-haut, Jules Moche, en fait. Moche, parce que Moche, c'est Bosch, oui, voilà. Ce qui est d'ailleurs terrible parce que Jules Moch d'abord est juif, ensuite grand résistant comme vous l'avez raconté. Toute sa famille a été déportée et assassinée dans les camps, donc c'est vrai que ça fait sourire, mais enfin, ça me faisait pas trop marrer d'entendre Jules Moch, c'est Bosch, mais c'est comme ça. Et à l'Assemblée, il y a des scènes. Il se fait traiter de Goebbels à l'Assemblée par les communistes quand même. Donc oublié la violence des rapports avec. Oui, il faut dire que les communistes donc ont dû quitter le gouvernement en 47 et qu'ils n'acceptent pas ça du tout. Ils ont joué un rôle essentiel. On l'a peut-être pas suffisamment dit au début de cette émission. Un rôle essentiel en 1945 et même encore au début de 1946 pour ce qui est de tous les avantages sociaux, etc., qui ont été consentis dans bien des branches d'ailleurs, pas seulement dans le monde des mines, hein, loin de là. Et leur départ va créer une crise qui est une crise peut-être pas de régime, parce qu'après tout la 4ème République n'est qu'une crise de régime, mais en tout cas une crise politique majeure. Énorme. Il y a un climat de violence politique mais qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. C'est les invectives à l'Assemblée, c'est chien couchant, salaud, assassin de la classe ouvrière, vous êtes assoiffé de sang, Hitler casque à pointe. Enfin, c'est une violence incroyable. Ah oui, ayons l'honnêteté de dire qu'en face, la violence est peut-être moins verbale, mais plus physique, et que Jules Moch et le gouvernement ne sont pas tendres. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, le sentiment clair de lutter contre des phalanges qui viennent de Moscou. Oui. C'est vraiment ça. Je pense que Jules Moch s'est laissé emporter, parce qu'il cite des notes qui en provenance de Moscou, comme quoi il y a de l'or roumain, des fascistes qui inondent, que Moscou inonde la France d'or plus ou moins bizarre, que des milices pénètrent la frontière pour aller tirer sur, enfin bon bref, pour prendre le pouvoir en France. Je crois que tout ça il l'a inventé, il s'est laissé emporter, et la violence de la répression contre la base, d'ailleurs pas contre les anciens ministres ou les leaders communistes, mais contre la base. Ça sert d'exemple. Vous voyez ce qu'il en coûte maintenant d'être communiste, de faire la grève. Regardez ce qui est arrivé à vos camarades mineurs. Et venez nous dire demain si vous avez envie de finir en prison, licencié, etc. Oui, le gouvernement avait tous les leviers, comme on dit. Tout. Et c'est une grève qui n'aura rien rapporté aux mineurs, finalement, Non. Donc c'est une grève. C'est un échec total, en fait. Total, et qui s'achève dans le désespoir. Et l'aigreur et l'amertume. Je pense que les années d'après ont dû être vraiment très tristes. Et vous abordez tout ça dans cet ouvrage qui s'appelle « Plus noir dans la nuit », sous-titré « La grande grève des mineurs de 1948 » chez Calman Lévy. Vous abordez tout ça, Dominique Simoneau, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de tendresse, on va dire, pour toutes ces personnes dont on sait que vous les aimez, vraiment, en fait. Ça, c'est vrai, je les adore. Ça a transparu, je pense, pendant tout le cours de cette émission, comme dans votre livre. Eh bien, volontiers. Merci beaucoup, Dominique Simoneau, de nous avoir parlé de cette grande grève des mineurs de 1948. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Audrey qui souhaite connaître l'origine des expressions nickel ou encore nickel chrome. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Audrey. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1, puisqu'elle vient en Nouvelle-Calédonie, Audrey. Et elle aimerait connaître l'origine des expressions nickel ou encore nickel chrome. Oui, alors ça m'amuse qu'Audrey nous pose la question depuis la Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez que la Nouvelle-Calédonie possède une des plus grandes réserves mondiales de nickel. Un tiers des réserves de la planète sont là-bas. C'est assez extraordinaire et ça constitue, l'exploitation du nickel constitue la première activité économique de l'île. Alors d'où vient cette expression nickel Ben, c'est pas très facile à vous dire. Vous savez, je pense que c'est presque explicite. C'est-à-dire que le nickel est un métal brillant, poli. C'est pour désigner une situation ou quelque chose d'irréprochable, hein, d'une propreté impeccable, on va dire. C'est nickel, tout simplement. Alors, l'expression a à peu près 100 ans. Elle est née au début du XXe siècle. Et puis, beaucoup plus tard, dans les années 80, 90, on va en rajouter sur le côté brillant en ajoutant du chrome, n'est-ce pas? Alors, on dit nickel chrome. Bon, voilà d'où ça vient. Alors, le mot nickel lui-même, alors ça c'est amusant, c'est une abréviation de l'allemand Kupfernickel. Kupfer c'est le cuivre en allemand et nickel c'est une abréviation de Niklaus, qui correspond à Nicolas en français, qui est un petit lutin expiègle. Kupfernickel, ça signifie donc littéralement lutin de cuivre. C'était le nom qu'avaient donné les mineurs allemands à ce minerai de nickel qu'ils avaient d'abord pris pour du minerai de cuivre en raison de sa couleur rouge. Les lutins d'ailleurs sont très présents dans toutes les histoires de mines, de minères et de métallurgistes au XIXe siècle. Bonjour Elena Mornam. Bonjour Franck, bonjour à tous. On s'intéresse aujourd'hui à notre cerveau et au vôtre surtout. Comment fonctionne-t-il? Comment éviter les effets du vieillissement? Comment booster vos capacités intellectuelles et votre mémoire? En vous écoutant Franck Ferrand par exemple, mais par aussi exemple. En écoutant les experts. Et d'ailleurs, j'attends vos questions et vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain Céline. On parlera de la chute de l'Empire romain demain. À demain Franck.